troisième temps de notre histoire de Lyon. Aujourd'hui, la Révolution française, le siège de Lyon et la répression qui s'en suivit. Après avoir évoqué lundi l'identité lyonnaise et l'exposition Lyon sur le divan, puis hier dans le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury, le mystère des souterrains en forme d'arêtes de poisson sous la colline de la Croix-Rousse, et avant demain de traiter des guerres de religion, à Lyon, nous allons ce matin aborder une période délicate de cette histoire et de cette mémoire lyonnaise, la Révolution française. Pourquoi, en 1793, la Convention a-t-elle débaptisé la ville après l'avoir assiégée? Comment se sont déroulées les répressions qui durèrent donc pendant les mois qui courent de la fin 1793 au début de 1794, et peut-être aussi on pourra parler, si nous en avons le temps, de la période qui suivit et de la Terreur blanche. C'est ce que nous verrons avec Victor Massé de l'Épinay, qui va co-animer cette émission avec moi, et grâce à des textes qui seront lus par Daniel Königsberg et remis dans leur contexte, ces textes et commentés par nos trois invités. Michel Biard, il est professeur d'histoire à l'université de Rouen-Normandie et auteur entre autres du Siège de Lyon chez Lem, Edith Comme-Simien. Il est docteur en histoire, auteur d'une thèse sur les maîtres d'école au XVIIIe siècle et auteur des massacres du septembre 1794 à Lyon chez Aléa. Et enfin Paul Choplin, il est maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3, auteur d'une thèse Lyon, ville patriote, ville martyre chez Le Touzé et Annet. Il prépare une nouvelle histoire de Lyon chez Privat. L'industrie est poussée ici au dernier degré de perfection. La main-d'œuvre y est à bas prix et l'on y exécute des ouvrages admirables avec des sommes modiques. L'ouvrier se contente d'un léger bénéfice. Le fabricant aime mieux accroître modérément ses fonds par une prompte circulation que de les doubler par les risques inséparables d'une longue attente. Les affaires s'y font avec une promptitude et une confiance, une bonne foi que je n'ai vue qu'ici et qui peut-être ne pourrait exister ailleurs. Les faillites y sont très rares, et plutôt l'effet du malheur que l'ouvrage de la cupidité. Enfin, l'on peut dire que si le dieu du commerce a fondé à Lyon son principal temple, il n'y est honoré que par des mains pures et n'y reçoit que des victimes sans tache. Le luxe a fait, ici comme ailleurs, de très grands progrès, mais c'est plutôt un luxe de commodité que d'ostentation. Je connais des villes où la table est sacrifiée à la parure, mais l'éclat de la garde-robe ne nuit point ici à la solidité de la cuisine. Les tables y sont servies avec abondance et délicatesse. Les maîtres en font les honneurs avec plaisir, les femmes avec grâce, et l'on voit à la gaieté qui y règne que ce plaisir n'est point factice et que cette grâce n'est pas étudiée. Voici ce que dit donc Alexandre Grimaud de La Reynière, de la richesse de Lyon. Nous sommes juste avant la Révolution française, c'est en 1788, et c'est dans une lettre à Monsieur Mercier, où réflexion philosophique sur la ville de Lyon, bien évidemment, ce caractère très paisible tel qu'il est décrit va être troublé par la Révolution française. On va y venir avec vous, Victor Massé de l'Épinay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec Daniel Königsberg qui continuera à nous lire les textes tout au long de cette émission, avec Comme-Simien, bonjour. Bonjour. Et avec aussi Paul Choplin, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Paul Choplin. Oui, bonjour. Et enfin, avec vous, Michel Biard, cette vision très irénique d'une ville entièrement dédiée au dieu commerce est une vision qui va être profondément troublée par la Révolution française. Bonjour, bonjour à mon tour. Oui, effectivement, c'est une vision totalement irénique, comme vous disiez. C'est une vision très angélique, finalement, hein, d'une ville de commerce où tout se passe bien, où les rapports sociaux sont tout à fait courtois. Où l'ouvrier se contente d'un tout petit bénéfice. De peu, voilà, de vivre de son peu. Et on aurait presque pu ajouter le Théâtre de Lyon, œuvre de Soufflot, où il y a une programmation presque tous les jours. Bon, c'est un tableau un petit peu idyllique de la ville de Lyon qui a été lu là. Comme Simien. Oui, surtout que à la fin de l'Ancien Régime, Lyon est une ville de commerce, une ville d'industrie aussi, avec des inégalités extrêmes entre les richesses. En réalité, la richesse telle qu'elle est vantée de la ville de Lyon, notamment dans ce texte, c'est surtout d'abord la richesse des marchands négociants de la ville de Lyon. La vie pour les ouvriers est quand même, les canuts lyonnais qui travaillent dans la soie, est quand même beaucoup plus compliquée. Et Lyon a une spécificité à la fin de l'Ancien Régime qu'elle est presque la seule ville de France à connaître. C'est-à-dire que les villes ont souvent une fonction commerciale, administrative à la fin de l'Ancien Régime. Lyon est la seule ville de France où il y a une vocation industrielle à ce point-là poussée, avec du coup des difficultés sociales. D'ailleurs, il y a eu une grande grève des ouvriers en 1786, un an avant l'écriture de ce texte, et à partir de 1787, la grande fabrique lyonnaise de soie entre plutôt en crise et en déclin. Donc là, il y a une vision. On va y venir justement, effectivement. Paul Choplin, sur ce texte d'ouverture de notre émission d'aujourd'hui, donc consacré à la Révolution française et plus exactement aux années 92, 93, 94 et peut-être 95 si on a le temps d'y aller. Oui, une vision irénique et je rajouterais une autre crise qui est davantage politique, une crise au sein même de l'élite lyonnaise entre une oligarchie consulaire qui détient le pouvoir, des familles qui détiennent le pouvoir depuis deux siècles et une nouvelle bourgeoisie qui aspire à jouer un rôle dans la vie lyonnaise. Donc il y a aussi cette tension au sein de l'élite et une tension qui va se dénouer en 89-90. Alors, Combesimien, on va pas parler, on n'a pas le temps de parler du début de la Révolution française de l'année 89, 90, 91, puisque on voulait centrer notre discussion sur, en particulier, ce terme « Lyon n'est plus » et sur le nouveau baptême, pourrait-on dire, de cette ville en tant que ville affranchie, donc après le siège de Lyon en 1793. Il faut peut-être, selon vous, en tout cas, donner déjà un petit éclairage parce que ce qui se passe en septembre 1792 et sur lequel vous avez travaillé en l'occurrence. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, à bien des égards, l'année 1793 à Lyon commence à la fin de l'été 1792 et tout ce qui va se jouer en 93 commence fin août, début septembre 92 et notamment donc ce fameux dimanche 9 septembre 1792 où 11 prisonniers, enfin 10 prisonniers plus une personne rencontrée dans la rue sont massacrés par une foule émeutière. 8 officiers nobles pour la plupart d'un régiment de cavalerie qui sont donc massacrés, qui étaient détenus dans la prison d'État de Pierre-Cize, la Bastille. Ils sont tirés de leur prison. Tirés de leur prison, saisis par la foule. Les officiers municipaux, ce qu'on appellera plus tard les Rolandins, essayent de les protéger tant bien que mal. Mais la foule s'empare d'eux, leur tire dessus avec des armes à feu. Un sera noyé dans la Saône. Ensuite, la foule leur coupe la tête, les plante au sommet d'une pique, parcourt la ville. Un autre officier sera massacré dans le vestibule de l'hôtel de ville. Et une fois que ces officiers, qui étaient des missionnaires, qu'on suspectait d'émigration et de contre-révolution sont massacrés. La foule se porte dans deux autres prisons lyonnaises, Saint-Joseph et Roanne, où là, elle trouve des prêtres réfractaires, cette fois deux prêtres réfractaires qui sont à leur tour, pareil, massacrés, décapités, plus un dernier prêtre qui est trouvé dans la rue et qui, lui, était déguisé en femme pour essayer de fuir la foule, justement. Et la foule le reconnaît, le massacre à son tour. Et voilà, 11 Alors, victimes. C'est baptisé donc des Septembrisades, c'est ça ? C'est ça, c'est le nom qu'on donne. Et c'est des événements, on donne nom de Septembrisade, massacre de septembre, parce que ça survient 4-5 jours après les massacres de septembre à Paris. Et voilà. Pourtant, ça n'est pas lié directement au massacre de septembre. Qu'est-ce qu'on en sait justement de ce lien possible entre les massacres de septembre parisiens et les massacres de septembre lyonnais à quelques jours près ? Alors, ça s'inscrit déjà dans un contexte d'ensemble où la France entière connaît des massacres depuis à peu près la mi-juillet et ça va durer jusqu'à la mi-octobre 92. Paris en a été le point culminant du 2 au 4 septembre et Lyon a appris la nouvelle des massacres de septembre parisiens très peu de temps avant les massacres qui auront lieu le dimanche 9 septembre 1792. Le lien cependant n'est pas évident, c'est pas une volonté manifestement d'imiter la capitale qui préside à ça, c'est vraiment le contexte d'inquiétude, d'angoisse qu'il y a à Lyon qui s'est aggravé depuis la mi-août 1792, peur de manquer de manger, peur de pas avoir de travail, peur d'être envahi par les émigrés, les armées étrangères, peur d'un complot contre-révolutionnaire de l'intérieur aussi. Victor Massé-Lépiné. Voilà, en quelques mots, on peut essayer de dresser un peu l'état des forces en présence à Lyon à ce moment-là. Vous évoquez l'idée d'un complot, la situation de Lyon aux portes de l'Italie, aux portes de la Suisse, joue beaucoup sans doute dans cette peur qui peut régner dans Lyon, la peur d'être envahi. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous avez évoqué les Rolandins, et que c'est difficile de s'y retrouver parfois dans cette histoire de la Révolution à Lyon, puisque chacun accuse l'autre d'être un ennemi de la Révolution, nous dire un peu qui est Roland, et puis comment se divisent les forces. Est-ce que Lyon, par exemple, une question, parce qu'on a souvent cette image, est-ce que Lyon est royaliste en 1792? Donc Roland, déjà en 1792, est ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Il appartiendra à la mouvance girondine, globalement. Il a été officier municipal à Lyon au début de la Révolution, et il est très proche de la municipalité lyonnaise en 1792. Lyon a eu cette image de ville royaliste en 1792-93, c'est beaucoup plus compliqué. Lyon s'est félicité de la chute du roi, appelait déjà à la chute du roi dès avant le 10 août, c'est surtout au nom de la République que le soulèvement a lieu d'abord le 29 mai 1793. Et lorsque la constitution de 1793 sera soumise au vote à Lyon à la fin du mois de juillet 1793, il y a 11 000 personnes qui viennent voter, c'est un tiers du corps électoral, et la constitution de l'an 1, celle de la Première République, sera approuvée par 99% des votants. Donc, c'est un vote écrasant, effectivement, oui. En faveur de la Révolution, ce qui effectivement rend plus complexe cette vision que l'on peut avoir d'une ville contre-révolutionnaire et simplement contre-révolutionnaire ou royaliste. Il y a des dissensions, des débats, et surtout ce qu'on note quand on s'intéresse un peu plus précisément à ce qui se passe, Michel Biard, c'est une rythmique qui s'accélère entre 1792 et septembre 1792, et surtout entre le printemps 1793 et 1795, avec une ville qui va successivement changer de gouvernement, changer de pouvoir. Il faut peut-être venir sur la figure importante de Chalier, donc qui prend la municipalité. Ça n'est pas lui exactement qui la prend, mais c'est quelqu'un qui est proche de lui et qui, d'une certaine façon, va par son action, en tout cas c'est comme ça que ceux qui vont le contester le marquent, déclencher les événements qui vont se dérouler tout au long de l'année 1793 et 94. Si le mot n'était pas piégé maintenant dans nos médias, je dirais qu'il y a un processus de radicalisation, c'est-à-dire en tout cas d'aggravation ou d'accroissement des tensions, qui n'est pas le propre de Lyon, puisqu'on pourrait retrouver ça dans d'autres villes, puisque comme Simien tout à l'heure évoquait l'été 92, je crois qu'effectivement ce processus se lance à partir de l'été 92, et il y a des combats qui étaient des combats politiques, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient locaux. Je pense à nationaux en parlant de la convention qui se réunit à partir du 20 septembre 1792. Des combats qui jusqu'à là étaient uniquement politiques et qui vont justement devenir plus radicalisés et se transformer en combats à mort, aussi bien au sein de la convention à partir de l'été 93 que justement dans le cas de Lyon. Oui, donc vous voulez dire combat à mort entre Girondins et Montagnards, par exemple. Ce que je veux dire par combat à mort, c'est que le combat politique, au début, il est un combat politique où on cherche simplement à être plus fort que son adversaire. Ensuite, il devient un combat politique où on cherche à éliminer son adversaire. Et ce que j'appelle un combat à mort, c'est lorsque l'élimination passe par une élimination physique. Alors justement, cette année 1793, elle a été racontée par un des pères de l'histoire en France. Il s'appelait Jules Michelet. Et Jules Michelet, dans son Histoire de la Révolution française, le tome 5, qui date de 1850, donne son interprétation de ce qui se passe en 1793 et donc de la révolte de Lyon. On l'écoute, lu par Daniel Königsberg. De tout temps, cette ville immense avait caché, favorisé la contre-révolution. De ses hautes maisons noires, des quartiers industriels, entassés à 10 étages, dans les longues côtes désertes qui montent à Fourvière, au fond des mystérieux repères du monde ecclésiastique, les plus dangereux agents de l'immigration se cachaient à l'aise. Là, profitant commodément des relations du commerce, ils faisaient signe aux Alpes, à Paris, aux révoltés de Jalès, à la Bretagne, à la Vendée. Le coup du 21 janvier 1793 ne fit que les fortifier. Tout un peuple de prêtres réfractaires, de nobles déguisés, de religieux exaltés, vint comme s'engouffrer dans Lyon, le travailla profondément de son fanatisme. Nul moyen de les saisir. Le grand Lyon industriel et commerçant, qui travaillait peu et ne vendait plus, était en connivence avec le Lyon aristocrate. Les marchands avait été, se croyait encore, Girondin. Il devenait royaliste. Le parti républicain, qui diminuait chaque jour, était comme enragé de sa nullité, de son péril. Il avait la loi de son côté et ne pouvait rien. Les choses en vinrent au point que les bataillons fédérés, qu'on appelait de fils de famille, insultèrent les municipaux. leur arrachèrent leurs échappes, pilorièrent honteusement à l'arbre de liberté les effigies de la liberté de Jean-Jacques qui ornaient la place Bellecour. Ils brisèrent tout dans les clubs. Révolution fort obscure. Au profit de qui tournerait-elle? On ne le savait. Elle était masquée de girondinisme. Mais si les immigrés de Turin avaient passé la frontière, n'auraient-ils pas trouvé toutes ouvertes les portes de Lyon? Voilà donc l'interprétation du début de cette révolte de Lyon par Jules Michelet dans son Histoire de la Révolution française. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Paul Choplin, j'ai envie de vous demander une réaction sur ce texte de Michelet que vous connaissez bien sûr. Ce peuple de prêtres réfractaires qui précipitent tous ces Girondins dans le royalisme, comment est-ce que vous... Quel jugement vous portez sur Michelet ou comment est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter ce que Michelet raconte? Alors, Michelet, la principale source de Michelet, ce sont les archives parlementaires, les débats parlementaires, les papiers du comité de salut public. Et en fait, Michelet reflète l'incompréhension du pouvoir central à l'égard de la ville de Lyon, qui est une ville mal connue, mal contrôlée. Il n'y a pas de véritable police d'État à Lyon. Et c'est une ville avec une population sédentaire, mais aussi beaucoup de gens de passage, des marchands entre Suisse, Allemagne, Italie, voire Espagne, qui passent par Lyon. Et donc, on a une population qui est difficile à contrôler, qu'on connaît mal, et on a une peur des conspirations. L'État central a peur des conspirations, des royalistes s'en servent effectivement comme une plateforme. Et à cela s'ajoute, et c'est là que l'articulation se fait, il y a une très forte église réfractaire à Lyon. Lyon est un bastion catholique depuis le début du XVIIe siècle, et la majorité des catholiques lyonnais ont refusé la constitution civile du clergé. Il y a une église constitutionnelle qui est aussi importante, mais qui est beaucoup moins implantée dans la ville. Et cette église réfractaire, elle bascule très vite dans la clandestinité, parce qu'elle est appuyée sur des sociétés secrètes qui avaient été mises en place dès avant la Révolution, et l'existence de cette église secrète inquiète les autorités, et les autorités depuis Paris voient le lien entre cette église clandestine et les conspirateurs royalistes. Oui, alors Michel Bière, vous insistez beaucoup dans votre livre sur le siège de Lyon, 1793, le siège de Lyon entre mythe et réalité, chez Les Médites, sur le malentendu. Vous dites en fait, Paris ne comprend pas ce qui se passe à Lyon et Lyon ne comprend pas ce qui se passe à Paris. Donc une sorte d'aller-retour, de méconnaissance, comme vient de le dire Paul Choplin, de la situation parisienne vue depuis Lyon et de la situation lyonnaise vue depuis Paris. Et c'est selon vous ce malentendu qui est à l'origine justement de tout ce qui va se dérouler en 1793-1794. Oui, je crois qu'on peut le dire ainsi. Je reviens un tout petit peu en arrière sur Michelet. Michelet, il faut se souvenir également, d'abord il a une plume absolument superbe. Mais Michelet est fondamentalement anticlérical, hein, donc s'il insiste sur le clergé, c'est aussi à cause de ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit, enfin dans ce qu'il écrit dans ce passage, c'est la notion de frontière. On est juste effectivement à côté d'une frontière, sinon d'autres villes qui sont des villes où il y a beaucoup de réfractaires, je pense à Rouen notamment, auraient pu dans l'absolu être des cas tout aussi alarmants. Oui, l'armée des Alpes est tout près et elle est en train de combattre justement sur les Alpes avec Kellermann. Et donc ce que j'ai appelé le double jeu de miroir déformant, vous dites effectivement à raison que vu de Paris, on a très vite en 93 l'impression que Lyon est une ville contre-révolutionnaire, une ville royaliste, ce qu'elle n'est pas lorsque le siège va commencer, on en parlera tout à l'heure, mais ce que j'ai montré dans mon livre, c'est que il y a une double vision fausse, c'est-à-dire que les Lyonnais vont avoir en 93 et notamment au début du siège, une vision complètement déformée de ce qui se passe à Paris. On va en reparler tout à l'heure, j'imagine, sur la situation à la Convention notamment. Oui, comme si bien justement sur cette méconnaissance, cette incompréhension, alors que on se dit on n'est pas très loin d'une certaine façon au rythme de la Révolution française, on est à 3-4 jours de transport. Comment se fait-il qu'au bout du compte les communications soient aussi peu efficiente et que lorsque quelqu'un descend d'un coche, eh bien, ou d'un fiacre, eh bien, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. On a une rumeur, il y a un règne de la rumeur, et ça, c'est bien raconté aussi par Michel Biard, qui se développe, comme d'ailleurs partout en France, à ce même moment. Bah déjà, il faut insister sur, effectivement, parce que ça nous paraît, nous, totalement surprenant, qu'on apprend ce qui se passe à Paris ou ce qui se passe à Lyon avec un délai de 3-4 jours systématiquement. On n'apprend jamais les choses en direct. Et d'ailleurs, il y avait des historiens de la Révolution française qui avaient travaillé sur le déclenchement d'émeutes au moment où arrivait le coche ou le fiacre ou enfin le moyen de transport venant de Paris, parce qu'il y a un temps de transport. Quelqu'un arrive de Paris, raconte une émeute ou raconte quelque chose, et ensuite ça peut déclencher une émeute ensuite dans la ville en question. Lyon vit les événements nationaux en léger différé. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que Lyon traîne une réputation de ville contre-révolutionnaire depuis 1790, et avec quelques raisons quand même. Si Lyon est une ville républicaine qui fera son soulèvement au nom de la République, il y a eu un complot royaliste bien réel en 1790 visant à amener Louis XVI à Lyon pour l'extraire de Paris et l'aider à reconquérir son pouvoir avec l'aide des émigrés venus de Turin et donc du royaume de Piémont-Sardaigne. En 1792, juste après le 10 août, quand le 10 août on apprend la nouvelle à Lyon, le Conseil général du département de Rhône-et-Loire fait une lettre protestant contre ce qui vient de se passer. Donc à Paris, on a cette image dominante et on aura du mal à revenir dessus ensuite de Lyon, d'une ville contre-révolutionnaire. Oui, Michel Biard, très évidemment. Oui, j'ajouterais que le temps de transport entre Paris et Lyon joue certainement, mais qu'il n'est pas la seule raison. Ah, je veux dire par là, c'est qu'au tout début du siège, on voit très bien comment les autorités, que je vais qualifier de rebelles pour faire simple, ou les autorités de la ville révoltées en tout cas, entendent et écoutent qui elles veulent et refusent d'entendre d'autres personnes qui ont pourtant apporté des informations qui étaient résolument opposées à celles qu'ils veulent, eux, écouter. Mais on peut dire aussi que les conventionnels qui descendent à Lyon et qui les retrouvent une délégation qui remonte avec ce vote qui est favorable à la nouvelle Constitution n'entendent pas non plus vraiment ces Lyonnais qui viennent dire à Paris ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que Lyon est à ce moment-là encore une ville révolutionnaire. Oui, sauf que le vote d'acceptation de la Constitution est un vote qui se déroule à un moment où j'ai envie de dire que l'irrémédiable a été déjà commis à Lyon. Donc on ne peut plus revenir en arrière au bout d'un certain temps. Alors, on a eu l'interprétation républicaine et anticléricale de Jules Michelet à peu près à la même époque, c'est en 1836. Une autre interprétation de ce qui s'est passé à Lyon, donc au XVIIIe siècle et pendant la Révolution française, est signée Charles de Lacretelle. Lyon, vers 1791, semblait étrangère à la Révolution. C'était un torrent qu'elle ne cherchait pas à détourner, mais qui l'entraînait peu. Cette ville avait un peuple d'ouvriers que la Révolution laissait inactif ou peu occupé. C'était un puissant levier entre les mains des démagogues. Parmi ceux-ci figurait un scélérat nommé Chalier, à qui l'Empire de Lyon était promis par les Jacobins et qui prenait le titre de « Marat du Midi ». Il était né dans le Piémont, il parut dans sa jeunesse à Lyon sous l'habit ecclésiastique. Ses principes d'impiété et d'athéisme perçaient dans des thèses de philosophie qu'il soutenait sans talent. On allait le chasser lorsque la Révolution vint lui enlever toute espèce de pudeur et de frein. Il voyageait sans cesse de Lyon à Paris. Son retour était un signal de terreur. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire. Emmanuel Laurentin. En avant la classe ouvrière, la classe ouvrière, en avant. Une Fabrique de l'Histoire consacrée dans notre série d'émissions sur Lyon et son histoire à la Révolution française et plus exactement aux années 1793-1794. Alors ça y est, on y est, 1793, et cette figure de Chalier, Paul Chopelin. Comment peut-on décrire Chalier et le gouvernement qui, par l'intermédiaire d'un de ses amis, va se mettre en place au printemps 1793 à Lyon et qui va être renversé à la toute fin du mois de mai, le 29 mai 1793? Qu'est-ce que c'est que ce Chalier? Qui est-il et pourquoi a-t-il son importance dans l'histoire que nous racontons, Paul Chopelin? Alors Chalier, d'abord dans l'extrait que vous avez lu, est présenté comme un ancien prêtre. Il n'est pas un ancien prêtre, il a fait des études de philosophie chez les dominicains et il s'est consacré ensuite au commerce. C'était un commerçant lyonnais. Mais chez les dominicains, il a été touché par une approche un petit peu mystique. Les dominicains à cette époque sont des jansénistes convulsionnaires à Lyon. Mmh. Et un petit peu comme Robespierre, c'est quelqu'un qui a une vision providentialiste de la Révolution. C'est la Révolution obéit au plan divin. Et c'est quelqu'un qui s'engage passionnément dans la cause révolutionnaire. Il y voit l'occasion d'une régénération à la fois du peuple français et du genre humain. Et c'est quelqu'un qui va rencontrer beaucoup de déceptions au cours des années 90-91. Il voit les résistances monter. Et comme le disait Michel Biard, mot piégé, c'est quelqu'un qui va petit à petit se radicaliser. C'est-à-dire qu'il va prôner la purge de la société et l'élimination des éléments contre-révolutionnaires. Et dans ses discours, à partir de la fin 92, début 93, il parle clairement d'élimination physique des adversaires de la Révolution. Et il est très influent dans le club central de Lyon, l'équivalent du club des Jacobins à Lyon. Et c'est quelqu'un qui fait peur. Il a une certaine audience dans une partie de la population. Et lui et ses amis vont réussir à prendre le pouvoir par la force, il faut le dire, par l'intimidation des adversaires. Et des adversaires qui, en retour, eux aussi, vont s'engager dans une spirale de violence et de lutte à mort. Victor Massel-Lépinay. Et finalement, cette prise de pouvoir des chaliers, comme on les appelle, peut-être un peu exagérément, en tout cas des exagérés, des partisans de chaliers, ils vont être au pouvoir pendant un peu moins de 3 mois, et finalement, le 29 mai, comme c'est bien, ils sont renversés par les Girondins. Ce qui est intéressant, parce que ça nous permet de continuer un peu sur cette histoire de malentendu, c'est que quelques jours après, les députés, enfin, les Girondins à Paris sont arrêtés et confinés chez eux. Donc, il se passe en quelque sorte l'inverse à Paris. Les Montagnards prennent le pouvoir. À Lyon, ce sont les Girondins qui reprennent le pouvoir aux Jacobins les plus extrémistes. Oui, alors du coup, les partisans de Chalier et le maire Bertrand avaient été largement installés aussi grâce à l'aide des représentants du peuple en mission début mars. Mm-hmm. Et ils ont un programme qui est quand même très centré autour des questions économiques, sociales. Et à la mi-mai 93... Création d'une boulangerie municipale, voilà, nationalisation de certains biens, etc., etc. Volonté de créer un impôt forcé sur les riches aussi pour financer une armée révolutionnaire. Tout ça inquiète beaucoup. Et les modérés, les Rolandins, donc, réussissent eux à prendre le contrôle des sections de Lyon, d'une majorité de sections, 22 sections sur les 32 de la ville. Le 28 mai, ils organisent un comité de ces sections qui devient une sorte de municipalité provisoire qui conteste la municipalité dominée par les chaliers plus radicaux. Et donc, le 29 mai, l'épreuve de force s'engage entre les uns et les autres. Elle fera comme une quarantaine de victimes et surtout, les chaliers sont arrêtés, 26 arrêtés à ce moment-là, dont Chalier, dont le maire Bertrand. Et le 2 juin, donc à peine 4-5 jours plus tard, c'est plutôt le mouvement inverse qui s'opère à Paris, puisque sous la pression populaire, les députés, une partie des députés girondins sont arrêtés à l'instigation des Montagnards. Oui, alors on voit une rythmique qui s'accélère, c'est ce que vous disiez, Michel Biard, dans cette début d'été 1793 à Lyon, et donc progressivement, on renverse donc le régime des Chaliers, on le remplace par un nouveau régime, mais qui lui-même va être mis en difficulté vis-à-vis de la Convention, qui, dites-vous, a désormais l'image de Lyon comme ville contre-révolutionnaire. À ce moment-là, début juillet, c'est déjà plus ou moins plié. Oui, début juillet, les choses commencent à s'aggraver, effectivement. Et je parlais tout à l'heure de choses irréversibles qui deviennent irréversibles. Bon, l'irréversible, c'est le 16 juillet. Le 16 juillet, Chalier est guillotiné. Il est guillotiné dans des conditions particulièrement affreuses. Oui, parce hein, puisque le bourreau a mal équilibré sa machine. Et c'est le premier guillotiné de Lyon. Je crois, oui. Et doit s'y reprendre à 4 fois pour l'exécuter. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner en termes de spectacle atroce. Et évidemment, ça va être un spectacle qui va être amplifié quand la nouvelle va arriver à Paris. Et c'est pour ça que je disais que c'est l'irréparable à ce moment-là, parce que le 16 juillet, c'est évidemment, pour des raisons logiques, avant le 28-29, c'est le 28-29 que les Lyonnais acceptent la Constitution. C'est 15 jours après, quasiment. Donc, c'est beaucoup trop tard à ce moment-là. L'irréparable a été commis, parce que, en plus de ça, à Paris, on demandait avant l'exécution de Chalier, quand il avait été arrêté, on demandait à la Convention que Chalier soit placé sous la sauvegarde de la nation, pour reprendre l'expression qui était utilisée, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'il était exécuté à Lyon. Paul Choplin, et comme si bien Paul Choplin brièvement. Oui, et puis il ne faut pas oublier que l'annonce de l'exécution de Chalier arrive à Paris le 19 juillet, soit moins d'une semaine après l'assassinat de Marat. Donc il faut aussi se mettre du point de vue de la Convention. C'est l'assassinat de Marat, l'exécution de Chalier donne l'impression d'un plan concerté. Les Girondins sont engagés dans une lutte à mort contre les Montagnards, et les Montagnards, de leur côté, vont se montrer sans pitié à l'égard de leurs adversaires. Marat qui avait dit, donc il faut le rappeler, avant, au moment justement ce renversement des Chaliers, que la contre-révolution était à Marseille, à Lyon et à Grenoble en même temps. Alors avec une nuance, je suis d'accord bien sûr avec ce que dit Paul Chopelin, mais c'est le 12 juillet que la ville de Lyon est déclarée par la Convention en état de rébellion. Or, une ville déclarée en état de rébellion, on ne joue pas avec les mots au point de vue juridique à l'époque. Hein. Ça veut dire quelque chose de fort. Comme si bien. Juste pour dire que l'irréparable est d'autant plus franchi avec l'exécution de Chalier que la Convention nationale avait placé Chalier et les prisonniers jacobins du 29 mai sous la responsabilité des autorités locales, qui étaient rendues responsables sur leur tête, selon les mots du décret. Donc là, les Chaliers ayant été exécutés en partie. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ça arrive juste après la mort de Marat. Elle-même, du coup, Chalier va immédiatement devenir une figure qui connaît un écho national. Il va immédiatement se ranger au rang de martyr de la liberté avec Marat et avec le Pelletier qui avait été exécuté, enfin qui était assassiné en janvier 93. Victor Massé de l'Épinay. Oui, je voudrais vous interroger sur le rôle des royalistes à ce moment-là, puisqu'on a dit que Lyon n'était pas une ville royaliste ou contre-révolutionnaire. Néanmoins, les royalistes existent. Ils sont divisés d'ailleurs entre eux. Ils sont pas... Il y a des souverainistes, il y a des monarchistes constitutionnels, il y a peut-être des opportunistes qui ne croient pas à la Révolution et qui attendent l'invasion de Lyon d'abord et puis de la France pour reprendre le pouvoir ou quelques intérêts. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, à partir de l'exécution de Chalier, les royalistes vont avoir tout de même un rôle plus important auprès des Girondins? Est-ce qu'il va y avoir des alliances qui vont se mettre en place, comme c'est bien? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand la révolte lyonnaise se structure, autant elle est soutenue à la base par les sections lyonnaises qui sont quand même plutôt sur une position républicaine, mais par contre, l'état-major de la force départementale levée par Lyon pour résister éventuellement à la Convention va être confié à un état-major quasiment exclusivement composé de royalistes, avec le colonel comte de Précy qui va gérer militairement la révolte et qui, lui, est royaliste. Et pour ajouter à la confusion, Michel Bien, il faut dire que le 4 juillet, Birotteau, qui est un député girondin en fuite, a déjà fait un grand discours qui a été relayé par le journal de Lyon très largement dans la ville et aux alentours, dans lequel il rajoute un peu de confusion, puisqu'il dit en fait que ceux qui ont pris le pouvoir à la Convention, qui ont écarté les Girondins, sont des gens qui sont à la solde d'une certaine façon de l'anti-France ou de la ce sont des scélérats, et donc à partir de ce moment-là, les Lyonnais ne savent plus très bien à quel sens se vouer. Qu'est-ce que c'est que cette convention et pourquoi cette convention a-t-elle mis à l'écart les Girondins? À partir de ce moment-là, ça devient très complexe et il appelle justement lui aussi à se lever contre Paris. Parce qu'il dit qu'à Rouen, qu'à Lille, des armées sont déjà en marche pour pouvoir aller mettre à bas cette convention qui est scélérate. Donc Birotteau, c'est un député girondin qui est en fuite. Alors il y en a beaucoup d'autres qui sont en fuite à ce moment-là et qui passent dans d'autres villes. Caen serait un bon exemple, justement. Simplement, lui fait un discours que je qualifie volontiers d'incendiaire et il le fait au pire moment, c'est-à-dire qu'il le fait au moment où justement les choses sont en train de se radicaliser, de s'enflammer. Et il fait un discours ce 4 juillet qui est complètement hallucinant, puisque, pour être rapide, il décrit la convention dominée par 50 députés montagnards, donc il y en a 700 qui sont on ne sait où, et il explique, sans que personne ne lève le petit doigt pour le contredire, il explique que à Paris, il y a 2000 sans-culottes qui vont s'envoler comme des moineaux dès que les forces venues des départements vont arriver sur Paris. Oui, donc il a une vision des rapports de force qui n'est pas exactement la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Alors on écoute un nouveau texte, nous faisons un saut dans le temps, Chalier a été exécuté, donc Lyon est désormais considéré comme une ville à assiéger, l'armée de Kellermann qui est tout près l'armée des Alpes va se déplacer, ce qui n'arrange pas trop Kellermann parce que il préférait avoir ses troupes pour pouvoir combattre les adversaires de la Révolution hors des frontières, mais néanmoins On va arriver sur place. Oui. Moi, je dirais pas une ville assiégée, je dirais une ville rebelle à ramener à la raison. Voilà. Au début, on ne pense pas forcément à l'assiéger, puisqu'on pense que tout le monde va être ramené à la raison, justement avec argument à l'appui. Et le 22 août 1793, en revanche, le général de brigade Dubois-Crancé dit ceci aux Lyonnais assiégés. Les mortiers sont placés, les bombes sont prêtes, les boulets rougissent et la flamme va vous dévorer. Réfléchissez, Lyonnais, il est encore temps, demain il ne sera plus. Vous avez pu croire jusqu'ici qu'on ne vous faisait que des menaces vaines et pour vous intimider. Mais tout est prêt. Dans une heure, on peut vous incendier. Je vous conjure donc, pour votre propre intérêt, d'ouvrir enfin les yeux et d'obéir aux lois. Vous dites que vous avez accepté la Constitution, que vous êtes nos frères. Prouvez-le donc en ouvrant amicalement vos portes et en nous remettant ce que vous avez pris à la République. Marchons ensemble aux frontières, et que l'aspect seul de nos embrassements fasse fuir nos ennemis. Alors toutes vos craintes seront dissipées, vos personnes et vos propriétés seront respectées. La Convention même peut faire grâce aux coupables s'ils prouvent qu'ils n'ont été qu'égarés, s'ils sont des conspirateurs. Auriez-vous bien l'impudeur de les défendre? Le pourriez-vous sans vous avouer leurs complices? Ainsi votre sort est entre vos mains, et si votre cité se couvre de décombres, n'en accusez plus que vous. Et la réponse des Lyonnais, donc, à cette lettre du général de brigade Dubois-Crancé aux Lyonnais, le 22 août 1793, la voici. Nous ne vous ouvrirons point nos portes. Si vous aimez la patrie, marchez à l'ennemi, que la Convention retire ses décrets contre Lyon. Et vous nous verrez bientôt sur vos pas. Là, nous fraterniserons et vous jugerez par notre courage comment nous saurions nous défendre. Nouvelle rythmique, donc 2 mois de siège, un siège lent, un siège long en l'occurrence, d'une ville qui est encore effectivement protégée par ses remparts d'un côté et qui va résister sous la houlette d'un royaliste, c'est cela ? Oui, précis, dont le nom a été cité tout à l'heure. Les deux textes sont intéressants parce qu'ils sont une belle démonstration, un bel exemple d'obstination totale, puisque le texte qui vient d'être lu de Dubois-Crancé le 22 août est un texte qui prend la suite d'autres textes où on a appelé à la négociation. Et il y a eu des deux côtés une espèce d'obstination qui a empêché que la solution soit trouvée autrement. Alors que dans d'autres villes... Une solution politique, vous voulez dire. Bien sûr, je parlais de Caen tout à l'heure. Une ville comme Caen a eu une répression finalement relativement modérée, pour ne pas dire très modérée, alors qu'elle avait été un des bastions des révoltes fédéralistes. Donc là, je crois qu'il y a obstination. Et ce qui frappe également, c'est que ce texte est du 22 août et que dans la nuit du 22 au 23, c'est là que commencent les bombardements de la ville à Boulet Rouge. Et Boulet Rouge, évidemment, avec destination incendie à l'arrivée. Voilà, forcément. Et donc ces bombardements de Lyon sont racontés par les représentants du peuple en mission auprès de l'armée assiégeante le 25 août 1793. Daniel Königsberg. Le feu a recommencé hier à 4 heures du soir, après 30 heures inutilement livrées à la réflexion. Les boulets rouges ont incendié le quartier de Saint-Clair. Les bombes ont commencé leur effet à 10 heures du soir. Il n'a pas été conséquent jusqu'à minuit, mais à 7 heures, il s'est manifesté le plus terrible incendie vers le quai de la Saône. D'immenses magasins ont été la proie des flammes et quoique le bombardement ait cessé ce matin à 7 heures, l'incendie n'a rien perdu de son activité jusqu'à ce moment, qu'il est 5 heures du soir. On assure que Bellecour, l'Arsenal, le port du Temple, la rue Mercière, la rue Tupin sont totalement incendiés. On peut évaluer la perte de ces deux nuits à 200 millions. Nous avons envoyé cet après-midi un trompette à Lyon pour y porter une lettre, quoiqu'on eût arboré sur les clochers le signe de la persistance dans la rébellion, le drapeau noir. Nous avons donné 3 heures pour y répondre. Ces 3 heures passées, le bombardement recommencera. Côme Simien sur ce bombardement de Lyon, donc en août 1793, un bombardement très sévère, comme on peut le lire ici. Les chiffres sont impressionnants quand on regarde les chiffres. Ont été lancés sur Lyon 27 000 boulets, 11 000 bombes, 5 000 obus, des bombes incendiaires, des boulets chauffés à rouge pour incendier la ville, ce qui était théoriquement proscrit par les lois de la guerre. Mais là, on est dans une guerre civile, quasiment, donc les lois de la guerre ne valent plus. Et le but de Kellermann et de Dubois-Crancé est explicitement, en fait, de mener cette stratégie de bombardement de la ville pour saper le moral des Lyonnais, tout en resserrant progressivement l'étreinte autour de la ville par des coups de main, avec la volonté de Kellermann et de Dubois-Crancé de limiter les pertes chez l'armée de la Convention et peu à peu de briser le moral des Lyonnais, ce qui marchera plutôt de ce point de vue-là. Il faudra 2 mois donc pour que ce siège vienne à bout de la ville de Lyon, en l'occurrence, Paul Choplin. Et c'est donc en octobre qu'on va changer le statut, pourrait-on dire, de cette ville de Lyon et que vont commencer les exécutions massives qui vont se dérouler pendant environ 6 mois dans cette ville de Lyon, entre la fin de 1793, entre octobre 1793 et le milieu de 1794, Paul Choplin. Oui, un décret de la Convention change le nom de la ville de Lyon. Lyon perd son nom et devient ville affranchie, puis commune affranchie. La Convention ordonne la destruction de Lyon. Lyon doit être rasé, comme Carthage. Mais ce décret n'aura pas d'effet. Ça sera une destruction symbolique de deux des principaux immeubles de la place Bellecour. Pour le reste, ça sera surtout des destructions d'immeubles en mauvais état. Mais le plus dur, ça sera la répression judiciaire, avec la mise en place de tribunaux d'exception, un tribunal militaire pour juger les membres de l'armée lyonnaise, qui les coupables, enfin ceux qui ont été pris les armes à la main sont fusillés, un tribunal d'exception pour juger les administrateurs rebelles, et à partir de la fin du mois de novembre, se met en place un troisième tribunal révolutionnaire, une commission révolutionnaire qui remplace les autres et qui va être chargée, cette fois, de purger la société lyonnaise en profondeur. Et donc d'éliminer les prêtres réfractaires, les contre-révolutionnaires. Et au total, donc cette répression va faire 1865 morts. 1865. Des personnes... Oui, 1865, fusillé dans la plaine des Brotteaux ou guillotiné sur la place des Terreaux. Victor Massel-Lépinay. Oui, alors cette répression va de pair avec la mise en avant de certaines figures. Chalier est à ce moment-là consacré comme un martyr de la Révolution. On lui dresse des monuments, on fait des éloges funèbres. Ce qui est étonnant, c'est que certains sont jugés à Paris, conduits à Paris pour être exécutés. Je pense à l'évêque Lamourette, l'évêque constitutionnel, qui était pourtant donc pas un prêtre réfractaire. Paul Choplin, pourquoi est-ce que, par exemple, cet évêque Lamourette est conduit à Paris? Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce moment-là? Alors en fait, ce sont des personnalités nationales. Les dirigeants lyonnais ne sont pas connus au-delà de Lyon même. Lamourette a été député à la législative. On va aussi emmener à Paris un ancien député de la Constituante qui vont être jugés par le tribunal révolutionnaire de Paris, parce qu'il faut aussi donner l'idée qu'il y avait des têtes dans ce mouvement. Hein, c'est dans l'idée d'un complot. Donc la justice se rend sur place, mais aussi à Paris. On va faire la même chose avec un certain nombre de dirigeants girondins capturés en province. Certains seront exécutés sur place, comme à Bordeaux, et d'autres transférés à Paris pour être jugés avec tous les autres girondins. Michel Biard, tout de même, ce qui se passe là est très, très grave. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une justice qui se met en place, mais c'est une justice assez massive. Qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi les Lyonnais ont-ils, et on peut les comprendre, garder une mémoire très, très, très intense, très vive de ce qui se passe pendant ces 6 mois? Il y a quand même 1800 morts qui se déroulent, qui sont exécutés à ce moment-là, ou qui sont assassinés, ou qui sont guillotinés. Il y a effectivement des tentatives plus tard de faire des béatifications aux victimes de cette répression. Ça sera en 1926, en 1986 aussi que ça reviendra. Et puis il y a des figures qui sont haïes, la figure de Fouché, celle de Collot d'Herbois qui sont ceux qui déclenchent cette répression très sévère vis-à-vis de Lyon, en l'occurrence Michel Biard. Bon, je crois que le motif, vous venez de le donner, est l'un et l'autre, vous comme Paul Chopin, c'est pratiquement 1900 morts, 1900 exécutés, puisqu'on parle bien des exécutions et pas des morts au cours des combats du siège. 1900 exécutés, c'est un chiffre absolument abominable. Et puis, il y a eu aussi deux journées particulières, qui sont les journées des 14 et 15 primaires, donc 4 et 5 décembre 93, pour utiliser le calendrier grégorien qui nous est plus familier, où il y a des exécutions collectives aux Breteaux, en l'occurrence 269 prisonniers. Des mitraillades, en fait. Alors, une mitraillade et une fusillade. Qu'est-ce que c'est qu'une mitraillade? C'est ce que ça veut dire au sens premier du terme, c'est-à-dire des canons chargés à mitraille, qui dispersent de la mitraille sur une soixantaine de prisonniers. Et les représentants en mission ont très vite arrêté ce type de méthode, pour une raison très très simple. Si j'ose dire d'ordre technique, excusez-moi d'être horrible, qui était que ce n'était pas efficace du tout, hein, et qu'il fallait, si j'ose encore être horrible, repasser derrière. Et donc on a des protestations, notamment de l'officier qui commande les dragons, qui dit que c'est un travail qui leur déplaît, fondamentalement. Comme Simien, sur cette répression qui se déclenche et qui est de cette violence-là, d'une certaine façon. Oui. Avec un nouveau baptême pour la ville, avec la volonté, effectivement, de rompre, et cette volonté qui n'est pas mise en œuvre complètement, de détruire la ville, d'en faire une tabula rasa, comme le disait Paul Chopin, puisque là, en l'occurrence, on va détruire une soixantaine, je crois, d'immeubles ou une cinquantaine d'immeubles dans la ville de Lyon. Alors, il y a déjà le fait que les tribunaux d'exception vont en plus juger très rapidement, avec souvent pas beaucoup de temps pour juger les cas des uns et des autres. Le tribunal des sept qui aura à juger dans les 3500 personnes consacre quasiment de l'ordre de 2 minutes par personne pour les procès. Donc c'est très hâtif. Ce qui est sûr, c'est que pour les destructions de la ville, l'idée de raser Lyon, ou alors, ce qui a été précisé par le décret, les immeubles des personnes les plus riches de la ville... Oui, parce qu'il y a l'idée aussi de revenir à une sorte de pauvreté pour cette ville qui est exagérément riche d'une certaine oui, façon. Oui, et on revient au premier texte qui avait été lu, l'idée que Lyon était une ville un petit peu, voilà, qui regorgeait de richesses, mais donc en même temps de détruire ces immeubles des personnes les plus riches, de redistribuer une partie de leurs biens aussi aux ouvriers les plus pauvres. Ça va pas être mené à son terme, mais Michel Biard l'a montré dans son livre, ne serait-ce que parce que la municipalité lyonnaise qui a été réinstallée va habilement savoir détourner ces destructions pour en fait mener des travaux d'urbanisme qui se concrétiseront sous l'Empire. Michel Biard. Oui, deux mots sur, d'une part, Fouché et Collot d'Herbois. Vous dites Fouché et Collot d'Herbois, en fait, je crois qu'on peut résumer à Collot d'Herbois tout seul, puisque Fouché a su se reconvertir politiquement de façon assez habile et traverser les régimes successifs après la Révolution. Ah, oui, ça, on le sait, donc oui. Celui qui reste dans l'histoire comme le premier boucher de Lyon, puisqu'il y en aura un autre beaucoup plus sinistre après, c'est Collot d'Herbois. Il y a toute une légende noire autour du personnage. Et puis la deuxième observation, c'est sur le changement de nom. Alors, ce n'est pas propre à Lyon, puisque d'autres Marseille. Voilà, Marseille est devenue... La ville sans nom. Ça a été beaucoup plus court, ville sans nom. Toulon est devenu Port-la-Montagne. Donc il y a eu plusieurs villes comme ça qui ont changé de nom pour des causes de répression. Oui, comme Simien. Et en plus de la destruction des immeubles, le changement de nom, c'est une offensive culturelle aussi qu'on essaye de mener à Lyon dans le sillage et à la suite et en accompagnant la répression. On crée un journal républicain des deux départements de Rhône-et-Loire qui diffuse des hymnes patriotiques. Parce qu'il y avait un seul département, il est transformé en deux départements. Oui, en punition d'ailleurs aussi. On a scindé le grand département de Rhône-et-Loire en deux départements plus petits, le Rhône et la Loire. Et donc dans ces journaux d'inspiration hébertiste, on diffuse voilà des procès-verbaux de cérémonies civiques, souvent déchristianisatrices d'ailleurs, on essaye de faire des fêtes civiques sur place aussi, donc il y a vraiment une offensive culturelle. Les républicains qui reprennent la ville, la convention, va aussi essayer d'imposer à court terme, et ça va échouer, son histoire immédiate du siège de Lyon, et on sait que c'est surtout la mémoire royaliste qui sur la durée va plutôt l'emporter. Victor Massé de l'Épinay. Juste une petite question sur ce décret de la convention donc d'octobre 1793 qui débaptise Lyon. Il y a ce projet d'une colonne sur lequel, au fronton de laquelle serait marqué Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus, cette phrase qui est restée célèbre. Est-ce qu'elle a existé, cette colonne? La colonne n'a pas existé. Le décret est resté d'autant plus fameux qu'Edouard Herriot en a ensuite fait le titre de son livre, Lyon n'est plus, Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus. Par contre, l'année suivante, il va y avoir construction d'un premier mémorial aux victimes du siège de Lyon, qui sera détruit un an plus tard, et Michel Biard pourra en parler, un nouveau mémorial en 1819. Oui, la chapelle des Breteaux en particulier. La chapelle des Breteaux. La chapelle des Breteaux, donc, qui est élevée en mémoire de ceux qui ont subi subit par leur vie et leur mort la répression de 1793-1794. Il faut peut-être très brièvement, pour conclure, parce qu'on n'a pas le temps d'aller beaucoup plus loin, en l'occurrence malheureusement avec vous trois, il faut peut-être raconter la suite, c'est-à-dire 1795, une fois que il y a la Terreur blanche qui s'installe et qui d'une certaine façon va renverser encore dans un autre rythme. On a expliqué cette rapidité des régimes successifs révolutionnaires à l'intérieur de la révolution à Lyon, et 1795 c'est la Terreur blanche. Oui, alors raconter ça en une minute ça va être un petit peu difficile, mais effectivement Lyon comme le sud-est est en proie à la Terreur blanche en 1795, tout simplement parce qu'il y a des règlements de compte, hein, et que les anciens terroristes, fussent entre guillemets les anciens jacobins, les anciens chaliers, sont en prison à ce moment-là, et qu'effectivement il y a plusieurs journées à Lyon où des prisons sont forcées, les prisonniers égorgés. 400 morts, c'est ça à peu près ? 400 morts début du mois de mai 1795, et dont des d'éminents responsables de la répression lyonnaise, Dorfeuille par exemple, qui avait rédigé le discours en l'honneur de Chalier, qui avait dirigé aussi la commission de justice populaire, un des trois tribunaux d'exception, qui va être massacré dans les prisons lyonnaises comme 400 autres prisonniers. Mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que la mémoire du siège est restée une mémoire vive. Je veux dire, au moment du bicentenaire, il y a eu deux associations à Lyon, Lyon 89 et Lyon 93. Hein, une pour association, le bicentenaire. Voilà, pour le bicentenaire, une association qui entendait faire valoir justement les victimes, enfin le siège et les victimes du siège. Donc il existe cette chapelle expiatoire au Breteau. Bon, qui est un monument de style néo-byzantin, bon, qu'on peut aimer. Je veux dire qu'il est plutôt assez laid. Il est enkysté littéralement dans des immeubles. Bon, sauf à entretenir spécifiquement cette mémoire, c'est un monument qui est un peu, comment dire, presque inaperçu dans Lyon. En revanche, dans une espèce de mémoire collective lyonnaise, le souvenir du siège a été entretenu, puisque le hasard qui n'en est point un fait que je suis lyonnais d'origine. Et je sais que quand j'étais enfant, on disait qu'il fallait pas traverser, par exemple, la place des Terreaux par le milieu, parce que c'est là qu'il y avait les guillotines. Mmh. Alors c'est une toute petite anecdote, mais c'est tellement révélateur. En revanche, ça signifie qu'il n'y a pas eu de lieu de mémoire aussi considérable, par exemple, que dans le cas de la Vendée. Mais bon, on est aussi dans d'autres types d'affrontements et d'autres types. Et puis d'autres types d'affrontements arriveront au 19e siècle, et en particulier la révolte des Canuts en 1831 et 1834, qui laissera d'autres mémoires de cette ville de Lyon. Merci à tous les trois et merci à Daniel Koenigsberg d'être venu. Je rappelle, donc, Michel Bia, que vous avez écrit un livre qui s'intitule 1793, Le siège de Lyon entre mythes et réalités, c'est chez Lem Edite. Que Paul Choplin, eh bien, vous êtes auteur de Lyon, ville patriote, ville martyre chez Le Touzet et Année, et que vous allez publier bientôt, dans quelques mois, une histoire de Lyon, une nouvelle histoire de Lyon chez Privat. Et comme si bien, eh bien, vous êtes auteur des massacres de septembre 1792 à Lyon, qui ont commencé cette émission chez Aléa. Et on se retrouve encore pour parler de Lyon demain, Victor Massé-Lépiné, et encore une période, vous avez choisi, où on s'entretue entre Lyonnais en l'occurrence. Et encore une date, un peu 1562, l'année où Lyon fut capitale protestante. Voilà, on en discutera demain avec vous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Pierrick Monsigny nous a accompagnés aujourd'hui à la technique, et Anne Fleury était à la réalisation de cette émission.